بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قد بدينا في الأفعال المعتل معتل طيب. تنقسم الأفعال المعتل على كم أقسام؟ ثلاثة أقسام. طيب، القسم الأول السالم. سالم سواء فعل معتل. ما ديون دي كومبوز الفعل المعتل هنا 3. نقسم الأفعال المعتلة إلى ثلاثة أقسام. معتل الفاء. معتل اللام. طيب، ما معنى فعل معتل؟ كيف يدير فعل معتل؟ ناقص. لا. عندك؟ سيكونت شا أون دي سي تخوا لتر. سيكونت مينيموم. الالف والواو والالف واليا. معتل. طيب، c'est-à-dire ces trois lettres là on les appelle احرف معتل. c'est-à-dire les lettres défectueuses malades. طيب، pourquoi on l'appelle معتل فا؟ parce que le la première lettre les lettres واو يا ou الف elles sont sur la première lettre du verbe. C'est pas son. T'as compris machallah, mais ce que tu aurais dû dire quoi? Nous, on travaille avec le pesé fa'ala. C'est-à-dire, si on trouve une de ces trois lettres sous le fa, on l'appellera mu'tal fa. Comme par exemple, wajada. Wajada, c'est un verbe à trois lettres. Et la lettre défectueuse, elle est où? En début du verbe. Et si tu mets l'exemple fa'ala, on va trouver la lettre défectueuse en dessous de quoi? Du fa. Me faut madame, inshallah? Taïb. Waqafa, son amr c'est quoi? Kif. Pourquoi on n'a pas ramené le hamza? Comme par exemple, utrol, idhab. C'est-à-dire, quand on a supprimé la lettre du mudara' qui est le ta, par exemple, anta taqifu. Quand on l'a supprimé, on s'est retrouvé avec le qaf qui a déjà une harakat. C'est-à-dire, on n'a pas eu le besoin de ramener le hamza. Mais faut mahada, inshallah, tout le monde a compris? Taïb. Aïn al-kitab, si on utilise la forme d'hier, ce serait quoi? Ha huwaza. Taïb, est-ce qu'on peut dire ha huwaza une chose qu'on ne voit pas? En utilisant cette forme-là. Si je te dis aïn al-kitab, tu me dis ha huwaza et on ne le voit pas. Ah, mais fumada, inshallah. On avait dit déjà dans le livre numéro 1, quand on utilise la sma al-ishara, al-asl, c'est qu'on l'utilise pour une chose mahsous, qu'on voit, impalpable. Mais il peut s'avérer, on avait dit quoi, barakallahu fikoum, il peut s'utiliser pour une chose quoi? Qu'on ne voit pas. Par exemple, le frère il donne une idée, je dis quoi? Hada ra'y sadid. C'est une bonne idée. Le fond. Mais sinon, cette forme-là, aïn al-kitab, ha wada, aïn sa'ati, ha hiyadi. Le fond, tu ne dis pas ha hiyadi ou ha wada et la chose ne se voit pas. Yajibu, qu'est-ce qu'il a de particulier ce verbe? Tu dis pas on doit mettre an. C'est-à-dire si on fait suivre d'un vel au mudara. C'est pas forcément obligé. Non. Vous avez compris ça? Par exemple si yajibu uridu, est-ce que c'est obligé de ramener an? Non, uridu par exemple quoi? Dhahaba ila al-masjid. Mais si je ramène le verbe, n'am, uridu an adhhaba ila al-masjid. Yajibu alayka an tafham al-Qur'an. Tu as compris? Barakallahu fik. Comment on dit étranger? Gharib, ghuraba. Non, mais le mot qui est ici, ajnabia. Monnaie. Là, le frère, il faut apprendre le vocabulaire. Nourdoun. Tu as voulu apprendre deux, tu as mis le singulier et le pluriel en même temps. Nourdoun et Nourd. Retour. Yep. Ce qui est de forme ronde à la base. Arsona, akras. Après, c'est à vous de l'utiliser comme le faut. Nam. Masculin. Zakaroun. Nam. Obligé. Obligation, c'est-à-dire le verbe obligé. Wajaba, yajibu. C'est pas trop appris. Hein. Porte-monnaie. Mahfadatun, naam. Erreur. Akhtaun, naam. Billet. Tadhkiratun. Tadhkiratun, naam. Tadhakirun. Tadhakir. Tadhakir. Femina. Unfa. Inath, aussi, non, taïb. بسم الله وليا الدرس 27 بسم الله بارك متى جئت من جدة يا خالد بسم الله vas-y t'inquiète trop les frères جاءت il t'a demandé à toi متى جئت et toi tu as dit جاءت جئت regarde bien C'est écrit, hein, M.C.A. Aja, il faut qu'on... Non. Aja, Ibrahim, Maraka. Lam yaji, ba'du. Sayaji, al-yawma, ou gadan, incha'Allah. Azurta, al-safiru, al-safira. Non. Entourez les mots dès maintenant, s'il y a des mots, vous ne comprenez pas. Dhabtu, maktabati. Regarde bien. Dhabtu, on parle du l'ambassadeur. Dhabtu, il a maktabihi. ولم أجده. ولم يجده. ولم أجده. ولم أجده. Voilà, c'est toi. بارك الله فيك. سمعت أنه لم يكن في جدة ذاك اليوم نعم. يا عدنان إنك غبت أسبوع إنك غبت أسبوعين فأين كنت؟ فأين كنت؟ Pas Faïna. Faïna. Faïna. Kuntu, fil moustachwa. Kuntu, maridan, jidden. Allahu, laqad. Wallahi. Les frères, c'est. Bon, qui lit le texte en avenir aussi Faut lire un petit peu. Hein? Regardez, sinon moi je vais lire la prochaine fois. C'est-à-dire, si maintenant vous n'avez pas lu, pourtant je vous ai dit dans le 1, dans le 2, dans le 3, à partir de là, moi je ferai la lecture moi-même. T'as vu Regardez, là on va rester 10 minutes à lire. Alors que. Moi je veux que vous profitez, mais je vois que vous ne lisez pas les textes, les frères. Wallahi, laqad kittu amut. Wallahi, laqad kittu amut. Naam. Wallahi, ma araftu dhalika, lam yakul li ahadu, innaka maridu, wa innaka fi mustashfa, kayfa halka al-an, la'allaka al-an ahsanu. Alhamdulillah, ana al-an أنا أحسن ولكنني لا أزال ولكنني لا أزال نعم ضعيفا ضعيفا نعم شفاك الله شفاء كاملا يا عثمان إنك تغيب كثيرا غبت يومين في هذا الأسبوع غبت يومين في هذا الأسبوع وثلاثة أيام في الأسبوع الماضي لا ينبغي طالب أن طالب الطالب أن يغيب كثيرا ولم لم أغيب ثلاثة أيام ثلاثة أيام ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي كم قلت إنما كما لي فخاخ سي إكري بوغ تو كم قلت كما قلت كم قلت كم ما معنى كم استفهام كم قلت سيغ ميم كون فو ليزي أون ديغي فو فايت با أتونسيون regardez Arrive Talatha Ayam Filusbourg, il m'a dit Kam Kulta. Tu sens bien que c'est pas de l'arabe là après. Kama Kulta. Kama Kulta, Inna Maribtu Yaouman, Wahidan Fakat. La Takrib, Yahri. Inna Kari, Ribtu Yaouman, Sabti. Les frères, vous faites pas attention, subhanallah. Inna Karibtu. Abdelmajid, quand tu parles à quelqu'un, tu dis Anta Daabtu. On finit le 2 là bientôt les frères là. Inna karibta yawm as-sabt wa yawm thulatha'i wa yawm arba'i. Ana asifu yawm as-sabt. Ana asifu. Asifun. Asifun. Il y a une prolongation. Ana asifun ya ustad. Lan ariba fil mustashfa inshallah. Fil mustaqbal inshallah. Inshallah. Qum ya Adam atanam fi fasl. أنا آسف أنا آسف يا أستاذ غلبني النوم لأنني ما نمت البارحة لما لم تنم

تتوب تذوق هكذا ما شاء الله سبحانه. اقرا ما يلي افوت لي فرير كوم سا لي فرير ils entendent sinon moi je vais lire. Il est juste derrière, je l'entends presque. Zorni Radan, Ya Mahmoud. Oud Bad Sa'at. Oud Bad Sa'atin. Koumi Huna, Wajlis Hunaka. Koumi Huna, Wajlis. Wajlis Hunaka. Soum Radan. Douk Hada Ta'am, Ya Akhi. Douk Hada Ta'am, Ya Akhi. Toubi l'Allah. Ayyuha al-Muslim. Non, Toubi l'Allah, Ayyuha al-Muslim. Très bien. Ou alors, il ne comprend pas l'arabie. Qu'allahu hada al-kalam bi lughati. Ça, c'est une phrase à apprendre. Ah. Combien de frères viennent, ils ne connaissent pas l'arabe. Voilà. Tout salam. Naam, tuf bil Ka'ba. نعم قول الله المشرق والمغرب. طيب تأمل ما يلي. لا تقول لا تقول سي كوا لو لا ici يا عبد المجيد. لا ناهية ها سي لا ميم غاي كوا الأمر اي لم المجزوم. طيب لا تقول لا تقول ادخل لا ناهية على الأفعال الآتية تزور تجرا مسارتي ولا عبد الكريم تجرا. لا لا لا تزور. طيب تقوم لا تقوم تصوم تطوف تبول. طيب اقرأ ما يلي سكي. لا تقول هكذا لا لا تزورني في المساء. نعم لا تطوف بالقبور. Non, on va s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'après on va rentrer dans la deuxième partie de Ba'a Yabiru. Apprenez ça par cœur et demain on finira le reste.